L'actualité à Nancy et ailleurs. Pourquoi ne pas profiter de cet été pour plonger dans l'histoire du patrimoine industriel lorrain ? Direction Uckange avec le haut fourneau U4 qui connaît depuis une dizaine d'années une renaissance tant sur le plan culturel que scientifique. Parmi les animations proposées cet été, les Nights de l'U4 pour découvrir ce lieu sous un autre regard. Pour nous parler du haut fourneau U4, Lucie Cossevard, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine sur la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Site du Cange, hein, ce qu'on appelle le parc du Haut-Fourneau. Il reste un Haut-Fourneau qui a été classé à l'inventaire du patrimoine historique, donc classé en 2001 et donc devenu la propriété de la communauté d'agglomération en 2005 et ouvert au public en 2007. En fait, nous 10 ans d'ouverture au public, en sachant que bien sûr, sur ce site, alors il y a la visite du Haut-Fourneau, mais on a un jardin qu'on appelle le jardin des traces, et tout au long de la saison, puisque l'ouverture actuellement est du 1er avril au 1er novembre, différentes manifestations permettent d'accueillir le public, puisque l'avantage, c'est que c'est un site fermé, on est sur un espace clos, voilà, avec plein d'autres projets, hein, puisqu'on est sur un site de 12 hectares, donc avec de nombreux bâtiments, qui ont donc déjà un bâtiment, les magasins généraux ont été restructurés pour MetaFench, un centre de recherche publique, mais avec d'autres projets, un projet de restaurant dans une sous-station électrique, un projet d'aménagement pour des petits artisans, enfin voilà. Ça fait 10 ans donc que ce haut fourneau renaît et propose un programme culturel de plus en plus fourni. Oui, alors à la fois le programme culturel, il va être sur des événements pour les familles, alors donc là une entrée libre plutôt festive pour les familles, et puis d'autres événements qui vont être plus dans le cadre scientifique, puisque autour du haut fourneau, il y a des parcelles qui, enfin c'est là en aménagement, en cours d'aménagement, des parcelles avec un projet scientifique avec l'Université de Lorraine où vont travailler sur la dépollution des sols, voilà. Donc on axe nos animations sur des événements très familiaux, et puis il y aura petit à petit aussi des événements axés sur la partie plus scientifique. Voilà, tourner vers l'avenir. Par exemple, voilà, une fête de la science qu'on organise déjà depuis la troisième année, et cette année elle se déroulera le 15 octobre. On a aussi une journée du patrimoine industriel, puisqu'il existe sur la région Grand Est, donc ça c'est le 2 juillet par exemple. Enfin, voilà, c'est passé, mais on le remettra d'actualité l'année prochaine. Alors, un mot maintenant sur les Nights de l'U4 qui proposent de découvrir tout ce patrimoine, mais sous un autre regard, sous une autre lumière. Alors, depuis cette année, on a effectivement les guides de l'association Médicilor. Hein, ce sont des guides bénévoles qui nous ont fait remonter le fait que les habitants, les visiteurs auraient souhaité pouvoir visiter de nuit. En visite guidée. Donc là, depuis cette année, on ouvre le samedi en nocturne du 15 juin au 31 août. Donc des visites guidées ont lieu à partir de 21h. En sachant qu'on a aussi positionné 3 événements apéro-concert, donc à 19h. Mais là, le dernier se déroulera donc début août, donc voilà, il y a eu 3 événements apéro-concert, mais qui ont l'air de bien marcher, donc je pense qu'on va reconduire ces événements pour l'année prochaine. À savoir que si effectivement les gens viennent visiter, c'est un tarif de 3 euros, après il y a des possibilités aussi de passe à l'année, donc ça reste vraiment très attractif, avec un très beau jardin, et puis bon, il faut tout simplement ne pas hésiter à consulter le programme sur le parc du Haut-Fourneau, donc U4, puisque bon, là, il y a eu le programme 2017, mais pour les années suivantes, ne pas hésiter à consulter le programme. Merci à Lucie Cossevard, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine sur la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui nous présentait donc notamment les Nights de l'U4. C'est tout l'été, les samedis soirs jusqu'au 26 août, jusque minuit, en complément des autres visites guidées en journée à 14h15 et 16h30 du parc du Haut-Fourneau U4. À noter la date du prochain apéro-concert dans ce cadre, ce sera le samedi 5 août à partir de 19h avec Electric Jam. Pour retrouver tout le programme et les infos pratiques, rendez-vous sur le site hf-u4.com. Des coordonnées que vous retrouverez sur notre site fadjet.net, rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actu associative, des idées de sortie, l'info proche de chez vous, c'est aussi sur Fadjet.